Aujourd'hui je me sens bien. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas très bien. Et je sors de chez moi, la lumière est claire, les couleurs bizarres, les immeubles verts et le soleil est noir. La route clapote sous mes pieds rigolos, les écureuils se moquent de moi dans mon dos. Et je crois j'en ai pris un peu trop. Et l'acide coule dans mes veines et me dicte qu'il faut que je t'aime. Et l'acide coule dans mes veines et me dicte il faut que je t'aime. C'est clair, j'ai dû forcer la dose. Ça tourne un peu à la psychose. Là-haut, Lucie m'appelle avec ses diamants dans le ciel. Le sol est étrange, il n'est pas palpable. Les yeux s'entremangent, ce n'est pas rattrapable. Je vois des gens dans la rue que je reconnais plus. Je veux leur faire des bisous et ils me donnent des coups. Et c'est trop rigolo. Car tu es mon ami, je te serre si fort que les draps s'en souviennent. Je crierai à Lynn encore pour qu'elle revienne. Aline! Oh Aline! Encore! Aline là! J'aime les personnes, les objets, les insectes. Je veux parler aux arbres et faire des dents au sec. Même les animaux, c'est mes amis. Je joue avec eux toute la nuit. Je suis allé faire des bisous à une bande de chiens errants et ils m'ont sauté au cou car ils étaient contents. Et après j'ai saigné, oui j'ai saigné du sang. Et l'acide coule dans mes veines. Électrique polystyrène. Et l'acide dans une baleine. Névralgique mauvaise haleine. Et l'acide coule sans problème. Nécrotique un camion d'aile. Et l'acide